y a une solitude que l'on peut bercer. Bras croisés, genoux remontés, on se tient, on se cramponne. Et ce mouvement, à la différence de celui d'un bateau, apaise et contient l'esselé qui se berce. C'est une solitude intérieure, qui enveloppe étroitement comme une peau. Puis il y a une solitude vagabonde, indépendante. Celle-là, sèche et envahissante, fait que le bruit de son propre pas semble venir de quelque endroit lointain. Tout le monde savait comment on l'appelait, mais personne, nulle part, ne connaissait son nom. Volontairement oubliée, ne comptant plus pour rien, elle ne peut être perdue puisque personne ne la cherche. Et le ferait-on qu'on ne pourrait l'appeler, ne sachant pas son nom? Elle revendique, mais n'est pas revendiquée. À l'endroit où s'écarte l'herbe haute, la fille qui attendait d'être aimée et de pleurer de confusion explose en menus fragments, pour que le rire masticateur l'engloutisse toute plus aisément. Ce n'était pas une histoire à faire circuler. Bonjour Claudine Reynaud. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Vous êtes professeure émérite d'études américaines à l'université Paul Valéry Montpellier III. Vous avez écrit un ouvrage sur Toni Morrison. Vous avez beaucoup enseigné, je crois, sur Toni Morrison, que vous aimez beaucoup. Et on parle ce matin de son roman Beloved. Donc un roman qu'on peut lire aujourd'hui aux éditions 10-18 en français. J'ai lu quelques extraits de la fin du texte qui donne le ton, notamment cette phrase qui revient, qui est scandée. Ce n'était pas une histoire à faire circuler. Et pourtant, au contraire, cette histoire, c'est celle que Toni Morrison veut à tout prix raconter. Quelle est-elle ? Alors, c'est l'histoire de Seven, cette mère esclave qui tue sa fille, Beloved, et elle la tue, en fait, dans le territoire libre, parce que ce qui s'est passé, c'est que Seven avait fui, elle avait fui enceinte, elle a donné naissance à une seconde fille qui s'appellera Denver. Et ce qui se passe, c'est que après s'être installée donc dans l'Ohio, elle était esclave dans une plantation du Kentucky. Une fois installée, les chasseurs d'esclaves viennent la récupérer. Alors il y a une loi qui est une loi traîtresse, une loi affreuse, dans le sens où cette loi de 1850, qui est la loi sur les esclaves fugitifs, fait que finalement la distinction, si vous voulez, entre État esclavagiste et État libre n'existe plus. Mm-hmm. Hein, les esclavagistes peuvent venir rechercher, capturer et ramener dans les États esclavagistes leurs esclaves. Donc au moment où le maître d'école, les chasseurs d'esclaves, un des neveux d'ailleurs du maître d'école, arrive pour récupérer Sève et ses enfants, Sève tranche la gorge de sa fillette. Pourquoi ? Parce qu'elle ne veut pas que sa fillette subisse le même sort qu'elle et donc soit ramenée en esclavage. Alors, moi, j'ai envie de dire quelque chose que disait Toni Morrison, c'est-à-dire qu'elle disait « cette femme n'est absolument pas victime ». C'est-à-dire que dès le départ, il faut se mettre dans cette position où cette femme a fait un choix C'est intéressant, libre. Ce qu'on attendrait de vous, que vous disiez que cette femme n'est pas coupable, vous dites qu'elle n'est pas victime. Elle n'est pas victime, c'est-à-dire que Morrison dit qu'elle fait un choix. Ouais. Hein, le choix, justement, de dire « cet enfant est à moi, je peux, j'ai le droit ». De vie ou de mort sur cette fillette. Donc il faut lire ce roman sur l'esclavage non pas comme un roman de victime hein, qui est dans la victimisation, mais bien au contraire à partir de la position de sujet qui est redonnée à l'esclave à travers le roman de Toni Morrison. Mais à travers cet acte qui est un meurtre. Voilà. Alors, oui, c'est toute la contradiction. Et la contradiction, dont vous avez lu le dernier passage du roman, la contradiction est là, elle aussi, dans le langage, puisque c'est une histoire, this is not a story to pass on. Alors, pass on en anglais, c'est-à-dire, c'est une histoire qu'on ne doit pas laisser de côté. C'est-à-dire laisser, on passe son chemin, si vous voulez, par rapport à cette histoire, mais c'est aussi une histoire qu'il faut raconter. Donc toute la difficulté du roman va être dans cette contradiction, ce que l'on oublie, hein, ce que l'on a tenté d'oublier. Alors, oublier la nation américaine, l'oubli, c'est l'amnésie, c'est le terme de Morrison par rapport à l'esclavage. C'est-à-dire la nation américaine oublierait, si vous voulez, cet esclavage, ne le confronterait pas. Et en même temps, l'esclavage fait retour, revient. Hein, donc il y a un retour du refoulé. Le roman Beloved parle du retour du refoulé en mettant en scène le revenant, c'est-à-dire cette petite fille qui a été tuée par sa mère, qui va revenir hanter sa mère. Sous forme de fantôme. Sous forme de fantôme. Donc Beloved. Et, alors, vous avez lu le dernier passage, on aurait dit une berceuse. C'est une drôle de berceuse, mais c'est aussi une histoire de fantôme. Mais c'est un texte incroyable, de toute façon. On peut le dire aussi simplement que ça. Je veux dire, voilà, oui, c'est un texte. L'ouvrir à l'expérience de lecture est assez inouïe. Voilà, oui, le lecteur, alors, ce qu'elle dit aussi, c'est que, et d'ailleurs, elle a commenté, je sais pas si vous le savez, elle a commenté tous les débuts de ses romans pour expliquer vraiment ce qu'elle faisait dans son écriture. Donc, pour ce qui est de Beloved, le roman commence par... alors, en français, ça va être 124, ouais. Bluestone Road. Alors, 124, bon, ça dit pas grand-chose en français. En anglais, lire cette adresse, puisqu'il s'agit d'une adresse, se dit 124. Donc déjà, on a, il nous manque le 3, hein, 1, 2, 3, 4. Donc vous avez déjà, dès le départ, une syncope, vous avez quelque chose d'étrange, un roman qui commence par une suite de chiffres qui est aussi interrompu, dans lequel il y a, si vous voulez, quelque chose qui jure, quelque chose qui manque. Le 3, alors le 3 va revenir, hein. Le 3, c'est aussi la grand-mère, la mère, et la petite fille, dont ces trois femmes qui vont habiter à cette adresse. Alors Morrison dit quelque chose aussi de très intéressant par rapport à cette adresse, c'est-à-dire que l'esclave n'avait rien. Donc là, on commence par quelque chose qui peut être étrange, c'est-à-dire qu'il y a une adresse, il y a une maison, il y a un lieu pour un esclave. L'esclave ne possédait rien, ne se possédait même pas lui-même. Toute la puissance du texte littéraire de Toni Morrison est d'avoir tenté de donner une voix intérieure à ces esclaves qui risquaient de se perdre dans la mémoire collective. Tout l'enjeu de la littérature est de savoir comment donner et prêter des mots à ce que l'on risque d'oublier derrière le grand récit qui est celui de l'esclavage. Écoutez Toni Morrison. Le gros problème est que le phénomène de l'esclavage est tellement complexe, tellement immense, tellement long et tellement inédit qu'il est facile d'en faire l'intrigue principale. Mais on connaît déjà cette histoire et elle est prévisible. Et tomber dans ce piège mène en fait au pire, puisque l'histoire se concentre alors sur l'institution et non pas sur les gens. Alors que si vous vous concentrez sur les personnages et leur vie intérieure, c'est une manière de rendre le pouvoir aux esclaves plutôt qu'aux propriétaires d'esclaves. C'était la voix de Toni Morrison en 1987. Claudine Reynaud, cette voix si bouleversante, la voix en elle-même a quelque chose d'assez incroyable. Bien sûr. On l'entend dans les textes même, pose exactement les choses. Et c'est une question qui a beaucoup d'écho aujourd'hui, et cette semaine en particulier sur France Culture, puisqu'on propose une programmation spéciale autour des mémoires de l'esclavage. Comment raconter l'esclavage alors qu'on croit connaître déjà l'histoire? Eh bien, dit-elle, c'est là où la littérature peut intervenir en donnant une voix de l'intérieur, en partant du vécu des esclaves, dit-elle. Oui, tout à fait. Elle le dit d'ailleurs dans un film qui est sorti juste avant sa mort. C'est-à-dire que, et bien sûr, il y a des récits d'esclaves. Alors justement, elle se pose, si vous voulez, non pas tant en opposition, mais elle va essayer d'analyser ce qu'étaient ces récits d'esclaves. Alors ces récits d'esclaves sont des récits donc du 19e siècle, écrits parfois par les esclaves, mais souvent ce sont des récits qui sont dictés à des abolitionnistes. Mmh. Donc ce qu'elle dit, c'est que ces récits, elle en a lu énormément. Moi, j'ai pu traduire le récit de Sojourner Truth, par exemple, en français, donc il vient juste de paraître, et voir que certains petits éléments, de façon intertextuelle, si vous voulez, sont recyclés dans le texte de Beloved. Donc, ces récits d'esclaves étaient des documents à visée politique, donc abolitionniste. Il fallait abolir l'esclavage. Donc, à qui s'adressait-il ? Il s'adressait aux abolitionnistes, aux gens du Nord. Et surtout, ce qu'elle dit, c'est que ces récits s'arrêtaient. C'est-à-dire, et souvent, c'était d'ailleurs écrit, je ne vais pas rentrer dans des détails qui sont trop horribles pour être racontés. Donc elle dit c'est là que j'interviens, c'est-à-dire qu'au moment où le récit d'esclaves traditionnel, il y en avait à peu près 150 si vous voulez qui ont été publiés, s'interrompt. Dit il y a censure, censure par rapport à des choses, par exemple, qui étaient de l'ordre de la sexualité, moi, je vais intervenir. Et que vais-je faire? Je vais, elle dit, fill in the blanks. Alors, ça veut dire, je vais combler les lacunes de ces récits d'esclaves et je vais, alors elle a des métaphores absolument magnifiques qui sont, je vais déchirer le voile que ces esclaves ont mis sur leur expérience. Donc, si on veut lire Beloved, on doit comprendre qu'on est au moment où on traverse ce voile, et où ce voile a été déchiré, partagé par Toni Morrison, de façon à décrire l'intériorité. Alors, l'intériorité, c'est la subjectivité. C'est-à-dire, que pensaient les esclaves? Comment vivaient-ils? Quelles étaient leurs émotions? Et donc, quand vous avez dit « on connaît l'histoire de l'esclavage », et même à nos jours, il faut penser que l'histoire de l'esclavage est racontée par les maîtres d'esclaves, par les négriers, par l'histoire officielle. Donc, est-ce que on renverse le regard? Peut-être pas, même de nos jours. Donc, ce que fait Beloved, c'est nous mettre, grâce à une écriture complexe, fragmentée, difficile, nous faire pénétrer, entrer dans la création, c'est-à-dire que le lecteur, alors là, elle a vraiment une position par rapport à ce qu'est le lecteur pour elle, le lecteur doit participer, elle dit, et donc en participant, nous sommes co-créateurs, si vous voulez, de cette écriture qui est l'écriture de la subjectivité propre aux esclaves et ici donc d'une mère esclave. On va écouter un extrait pour avoir une idée tout de suite de ce texte, de cette manière d'écrire qui est donc au plus proche de l'intérieur des personnages. En découle une forme très hybride aussi de ce roman, en passant sans cesse du présent au passé au futur. Bien sûr, c'est une expérience de lecture qui est parfois compliquée, mais à l'image justement de ce qui nous est dit. Et vous avez raison, le lecteur est complètement impliqué et suit avec beaucoup d'investissement, voire même parfois une sorte de palpitation l'intrigue. Et on suit la narratrice où elle veut nous emmener. C'est assez incroyable. Voici donc un extrait qui se situe au tout début du roman et qui situe dans son enjeu. On a le personnage. Alors, en français, on dit Seth. En anglais, comment dit-on? Sever. Voilà, Sever, donc, on va le dire en anglais, qui vit dans une maison hantée par l'âme de son bébé mort. Et on apprend qu'elle a dû coucher avec le graveur pour qu'il grave le nom sur la tombe de cette petite fille. Et ce nom, donc, ce n'est pas Beloved, comme on l'entend parfois, justement, en mauvais anglais. Beloved. Mais donc, bien Beloved. Alors, dites-nous pourquoi, madame la prof d'anglais. Alors, le professeur d'anglais dit que, surtout les livres d'anglais disent que, les grammaires anglaises disent que c'est parce qu'il s'agit d'un adjectif. Donc, si c'était un participe passé, ce serait Beloved. Mais comme il s'agit d'un adjectif, c'est Beloved. Voici donc le texte lu par Denis Podalides. 10 minutes. Avait-il dit, t'en as pour 10 minutes, et je le ferai gratis. 10 minutes pour 7 lettres. Avec 10 minutes de plus, aurait-elle pu avoir aussi Dearly? Elle n'avait pas songé à le lui demander, et l'idée que c'eût peut-être été possible la tracassait encore. Qu'avec 20 minutes, disons une demi-heure, elle eût pu tout avoir, chacun des mots qu'elle avait entendu le prêtre prononcer à l'enterrement, et il n'y avait rien de plus à dire, assurément. Gravé sur la pierre tombale de son bébé, « Dearly Beloved ». Mais ce qu'elle avait obtenu, comme convenu, était le seul mot qui importait. Elle avait cru qu'il suffirait de forniquer parmi les tombes avec le graveur dont le jeune fils les observait, le visage empreint d'une colère millénaire et d'un appétit tout neuf. Cela devait certainement être suffisant. Suffisant pour répondre à tous les prêtres, à tous les abolitionnistes et à une ville pleine de mépris. Comptant sur la tranquillité de sa propre âme, elle en avait oublié l'autre, l'âme de sa petite fille. Qui eût pensé qu'un petit bébé de rien du tout pût abriter tant de fureur? Forniquer parmi les pierres tombales sous les yeux du fils du graveur n'avait pas suffi. Non seulement elle avait dû vivre des années dans une maison paralysée par la fureur du bébé à la gorge tranchée, mais les 10 minutes qu'elle avait passées, pressée contre une pierre couleur d'aurore cloutée d'éclats d'étoiles, les genoux aussi largement ouverts que la tombe, étaient plus longues qu'une vie, plus vivantes, plus pulsatiles que le sang du bébé qui avait enduit ses doigts comme de l'huile. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, s'affranchir, c'est le thème de cette série d'émissions. Aujourd'hui, on parle de Beloved, de Toni Morrison. Vous venez d'entendre un extrait d'un texte qu'on trouve donc au début du roman, qui donne le ton, hein, Claudine Reynaud. On s'attendait, on savait, vous l'avez dit, qu'il s'agissait d'un infanticide. On n'était pas forcément prêt à entendre ce genre de scène de viol, enfin en tout cas d'accouplement certes consenti, mais alors vraiment pour obtenir des fins qui sont elles-mêmes très très douloureuses. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce livre. Vous l'avez dit, Toni Morrison veut dire ce qui n'a pas été dit. Elle le dit, hein, nos enfants n'ont ni l'utilité ni le besoin d'une histoire imaginaire, ils la rejetteront à coup sûr, ils méritent mieux l'histoire du vécu. Et ben voilà ce que c'était le vécu. Oui, c'est le début du roman. Ce qu'elle a dit, c'est que contrairement aux autres romans qu'elle avait écrits auparavant, où elle pensait à ses lecteurs, on va dire américains, blancs, noirs, etc., elle ménageait une entrée, une petite passerelle, si vous voulez. Ici, c'est tout le contraire, parce qu'elle veut que le lecteur soit happé, soit kidnappé, soit pris. Comme les esclaves, c'est-à-dire que la dans métaphore, tous les sens du terme d'ailleurs. Voilà, hein, oui, la métaphore, si vous voulez, de ce kidnapping des esclaves en terre d'Afrique pour être jeté dans les cales du bateau négrier, c'est exactement ce qu'elle veut comme expérience de lecture dès le premier abord. Elle dit qu'elle-même aussi, hein, parce que bon, on se dit pourquoi a-t-elle abordé ce sujet de l'esclavage si tard finalement, c'est le 5e roman. C'est que elle appréhendait, et c'est qu'à un certain moment, elle dit, elle n'a pas pu ne pas écrire cet ouvrage. Donc elle a été elle-même happée, prise, hein, dans ce récit. Elle n'en parlait pas du tout avant, parce que c'est 87 alors, le roman. Oui, elle en parlait, si vous voulez, mais pas de cette façon-là. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui a été pour elle très très très difficile et éprouvant et excessivement réussi, hein, de parler de la traite, de l'esclavage. Ce qui se passe ici, c'est que on a quelque chose. On est dans un cimetière. Et vous avez raison. Il y a quelque chose de profondément dérangeant de voir Sève, qui a déjà subi en tant qu'esclave des sévices, échanger des faveurs sexuelles. Bon, c'est pas un viol puisque c'est consenti, mais c'est tout comme un viol au milieu des tombes. Pourquoi? Pour avoir une inscription sur la pierre tombale de sa propre fille. Alors, on a quelque chose qui est intéressant d'un point de vue, si vous voulez, de l'anglais, puisque ses genoux sont ouverts, on le dit, c'est répété, ouais, comme une tombe. Donc, on est au milieu des tombes, les genoux de cette femme sont ouverts comme une tombe. En anglais, si vous voulez, ça sonne, le ventre d'une femme se dit « womb » et la tombe se dit « tomb ». Donc, on a « womb », tomb, et on a quelque chose qui est au cœur du roman, c'est-à-dire donner la vie, donner la mort. Lorsqu'on donne la vie, on donne la mort. Hein, une femme qui donne la vie à un être qui va mourir. Donc cette contradiction, si vous voulez, de donner la vie, donner la mort, est inscrite dès le départ. Alors, il y a autre chose qui sonne très bien en anglais, c'est le fait qu'elle va dire, bon, est-ce que j'ai quand même gardé quelque chose puisque j'aurais pu... Enfin, ce rapport sexuel aurait pu durer plus longtemps. Elle dit, non, mais j'ai gardé le seul mot qui importait. Alors, en anglais, le seul mot qui importait, c'est matter. Hein, le seul mot qui fait matière. Oui, si en fait, elle se dit que si elle avait couché plus longtemps avec le graveur, elle y aurait pu avoir deux mots sur la carte, mais pas un seul. C'est ça. Elle aurait pu avoir dearest beloved et elle n'a eu que beloved. Alors, ce qui est intéressant, bon, surtout maintenant, puisqu'il y a le mouvement Black Lives Matter, hein, c'est que ce mot beloved, c'est le mot qui compte, mais qui fait matière. Et donc, on a ici une des thématiques du roman qui est le rapport, si vous voulez, au corps. Hein, à la matérialité du corps. Très important. Ouais. Alors on l'a bien sûr dans cet acte sexuel. On a aussi quelque chose de très trouble, mais qui est reproduit souvent dans le roman, c'est-à-dire le voyeurisme, hein, puisque cet acte sexuel se fait sous le regard du fils du graveur, hein, qui donc va intégrer les rapports racistes, violents, obscènes, qui sont ceux au cœur de la société américaine. Un autre moment du roman est le moment où Sev va subir un viol. Alors c'est un viol qui est plutôt un vol, hein, le vol de son lait, c'est-à-dire que les neveux de maître d'école, donc du contremaître, vont lui soutirer de force son lait. À ce moment-là, elle le saura plus tard, son propre mari était présent et notre esclave, qui s'appelle Poldy, était aussi présent. Donc il y a très souvent une scène absolument intolérable, si vous voulez, de sévices. Ces sévices sont vus, perçus par un autre regard. Ici, le regard du blanc. Du fils d'ailleurs, qui donc apprend quelque chose au moment où il regarde, où il est voyeur, alors que dans le moment où les neveux de maître d'école lui soutirent son lait, c'est son propre mari qui est forcé d'assister au supplice de sa femme, et Poldy. Alors Poldy, à ce moment-là, ne peut pas s'exprimer. Pourquoi? Parce que on lui a mis un mort dans la bouche. C'est-à-dire, comme un cheval, on mettait un mort aux esclaves. Pourquoi? Pour les empêcher de parler, certes, mais aussi pour les empêcher de manger les cultures, si vous voulez, qu'ils récoltaient. Donc on a quelque chose d'absolument terrible qui est un sévice et deux autres personnages qui ne peuvent pas intervenir, qui sont muets. Hein et cette chose-là, il faut la voir comme au cœur vraiment du roman, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on tait, qu'est-ce qui a été tu et qu'est-ce qu'on peut dire justement de ces supplices, de ces violences qui sont au cœur de l'esclavage. I read an article in a 19th century newspaper about a woman whose name was Margaret Garner, who had indeed killed or tried. J'ai lu un article dans un journal du 19e siècle sur une femme qui s'appelait Margaret Garner, qui avait tué ses enfants. C'était une esclave en fuite et elle avait préféré qu'ils soient oubliés pour toujours plutôt qu'ils ne soient rattrapés et qu'ils aient à subir les horreurs de l'esclavage. Un article qui est resté avec moi pour un long, long temps et semblait avoir en lui une extraordinaire idée qui était worthy of a novel. Which was this compulsion to nurture. Cet article m'a longtemps hanté car il racontait une histoire incroyable, digne d'un roman, avec la férocité compulsive de cette femme qui voulait prendre soin de ses enfants, en être responsable, et en même temps qui essayait d'être un individu à part entière. Pendant 28 jours, j'ai été libre. Et tout a fini le 29e. Non! Non! Howard! Bugler! Allez vous cacher! Dans la remise! Non! Ah! Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Qu'est-ce qui lui a pris de faire ça? Pour les femmes noires esclaves, avoir un enfant dont vous êtes responsable, qui vous appartient, c'était ça la vraie liberté. Car ils prenaient ces enfants, vous n'aviez pas d'enfants. Vous les aviez certes produits, mais ils n'étaient pas à vous. Ils pouvaient être vendus, et ils étaient vendus. Donc être mère était une liberté incroyable. Et donc en tranchant le cou de cette petite fille, Margaret Garner disait « Cet enfant est à moi ». Et réclamer cet enfant, même si ça devait se terminer dans le sang, bah, ça n'était pas moins la liberté, la capacité d'agir, c'était être mère. Ces mots ont été prononcés par Toni Morrison à Juno Diaz en 2013. Et c'est bien le nœud de ce roman, Claudine Rénaud, que d'articuler tout ce vécu de l'esclave, les sévices subis sexuellement, physiquement, dans tous les sens du terme, à la question de la maternité. Oui, oui, c'est tout à fait, oui, ce qu'elle a voulu faire, c'est vraiment parler de la maternité, et de la maternité, finalement, c'est plus qu'interdite, c'est-à-dire qu'elle est niée. De la femme esclave. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que contrairement à toute société patriarcale où l'enfant appartient au père, la perversité totale de l'esclavage est que l'enfant de la femme esclave va suivre, alors ça c'est une citation, il doit suivre la condition de la mère. C'est-à-dire que un enfant d'une femme esclave est esclave, même si le père ne l'est pas, même s'il est libre, et surtout, ce qui se passait quand même assez souvent, le père était parfois, souvent même, je devrais dire, le maître de la plantation. Donc on a quelque chose là qui est que la mère donne un héritage, l'esclavage, à son enfant, lequel enfant ne lui appartient pas. Alors, ce roman... Enfin, entre autres thèmes, parce qu'il y en a vraiment énormément, il est d'ailleurs très, très difficile, parle effectivement de possession, avoir. Alors avoir, donc avoir des enfants, avoir et être souvent, je dis, c'est-à-dire peut-on être, là peut-on être mère? Non, on ne peut pas être mère. Donc en tuant son enfant, elle est mère et elle a son enfant, alors que son enfant lui est dénié, si vous voulez, en tant que... chair de sa chair, hein, puisque on peut le lui prendre à tout moment. Il y a les ventes aux enchères, la famille est éparpillée. La mère esclave ne peut pas. Oui, ici, Seth réclame, hein, beloved. Alors, ce que le roman fait, c'est que c'est la fille qui a été tuée, qui revient, oui, et qui dit qu'as-tu fait? Hein, qui demande des comptes. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'on commence à comprendre ce qu'est vraiment cette condition de mère esclave et cette contradiction totale qui veut que, pour ce roman, le meurtre est une affirmation de subjectivité. Alors certains ont parlé de Médée, puisque bon, elle tue ses enfants. Alors là, c'est toujours, ça gêne les professeurs qui aiment bien Toni Morrison, parce que chaque fois qu'on a une référence de ce type, c'est-à-dire Médée, Jason, etc., Euripide, il faut prendre le contre-pied de ces histoires-là. C'est-à-dire que là, elle ne Médée, elle ôte la vie à ses enfants pour se venger de Jason. Or ici, c'est pas du tout cette chose-là. Donc ce qui est aussi intéressant par rapport au lecteur qui arrive avec un bagage des textes, si vous voulez, classiques, c'est que ces textes classiques vont être complètement retournés, contredits, traversés par totalement autre chose. Il faudra les repenser à travers ce qu'écrit Toni Morrison, qui elle-même connaissait très bien ces classiques, puisque ça faisait partie de son éducation, hein. Elle a écrit une maîtrise à Cornell sur Virginia Woolf, Faulkner et la folie, mais elle était professeure de littérature et elle connaissait ses classiques. On dit que Beloved revient sous la forme d'un fantôme, mais en fait dans le roman c'est une personne en chair et en os, c'est une femme devenue adulte qui arrive. Alors ça c'est passionnant parce qu'elle arrive à l'endroit où vit Seve, il y a la fille Denver aussi, hein, qui elle est toujours vivante. Et en fait Beloved sous forme adulte va littéralement prendre le pouvoir de cette maison parce que sans doute par culpabilité, Seth va tout faire pour la garder, pour lui venir en aide, pour lui donner à manger. Elle va se ruiner, elle va obtempérer à toutes les demandes de Beloved jusqu'à presque sacrifier sa propre vie. Et seulement ainsi peut-elle vivre en paix, si bien qu'on se demande si c'est un fantôme, si c'est son imagination. C'est là où le roman est très très fort. Alors oui, le roman, justement, alors Beloved, donc on l'a vu, c'est le titre du roman, c'est un mot générique. En fait, cela provient de ce que dit le prédicateur à ses fidèles, Dearest Beloved, mes chers bien frères, ou, donc c'est le début, si vous voulez, de l'adresse du prédicateur par rapport à ses fidèles. Mais ici, ça va être le nom. Donc générique de cette fillette qui a été tuée, mais puisqu'il s'agit d'un nom générique, c'est quelque chose de fluide. Il y a une fluidité de ce nom, donc ça va être à la fois cette fillette qui revient, ça va être la petite fille au fond de la cale du navire, ça va être effectivement, comme vous le disiez, dans une lecture, on va dire, relativement simple de l'intrigue, ce fantôme qui revient et qui se confronte, ou plutôt c'est le contraire, ce sont les autres personnages qui se confrontent à ce fantôme, donc Seth, la mère, se confronte à sa fille, la sœur d'Enve va se confronter à Beloved, avoir peur d'ailleurs que sa mère peut-être lui fasse subir le même sort, c'est-à-dire la tue. Paul D. Bon, ça c'est du masculin, parce qu'il y a du masculin aussi, hein, c'est-à-dire c'est un roman sur la maternité, mais Morrison n'oublie jamais la question de la masculinité noire. Donc la masculinité noire dans ce roman va être représentée par Paul D. Et ensuite, bon, ce fantôme, comme vous l'avez dit, qui prend tellement de place, bon, qui gêne tout le monde, il va falloir l'exorciser. Ouais. Et donc, on aura le moment, presque à la fin du roman, de l'exorcisme, qui est un exorcisme de façon qui est collectif, hein, par un groupe de femmes, et dont le fantôme va disparaître, et la maison, alors c'est le troisième moment du roman. Premier roman, le fantôme est là. La jeune fille apparaît, elle sort des eaux, elle a 18 ans. Donc c'est 124 Bluestone Road était animé ou habité plutôt de malveillance. Deuxième moment, le 124 était bruyant, enfin il y avait quelque chose, une rumeur, un bruit effroyable. Et le troisième moment, c'est le roman de la tranquillité. Hein. Mm. 124 Bluestone Road was quiet. Alors ce qu'a dit Morrison aussi, c'est qu'il faut comprendre que ces trois moments, pour elle, correspondent à ce que l'on pouvait peut-être sentir dans la cale du navire, c'est-à-dire des moments de violence, de bruit, et des moments aussi d'apaisement. Elle dit voilà ce que m'évoque aussi ce qui se passe au fond de la cale du navire négrier. Il faut peut-être prendre la mesure de ce qu'a représenté ce roman au moment où il est sorti en 1987, parce que ça fait des années aujourd'hui, donc on en parle comme si c'était un fait acquis. Oui. Mais à l'époque, est-ce que c'était un des premiers textes qui abordait frontalement ce sujet? Alors, non, d'une certaine façon, mais il est vrai que cette écriture est tellement extraordinaire. Alors je sais, pour l'avoir entendu, que lorsqu'elle a lu des extraits à une grande conférence qui s'appelle MLA, les gens se sont levés, ils ont applaudi. Donc c'est vraiment une écriture qui fait partage. Il n'empêche qu'il y avait, dès les années, bon, vous avez des récits d'esclaves, et dès les années 70, alors il y a des choses, bon, on est au moment des droits civiques, donc vous avez le roman de Alex Haley, du journaliste qui s'appelle Racine, qui ensuite a été aussi une série télévisée. Ouais. Vous avez le roman de Margaret Walker qui s'appelle Jubilee, qui est, bon, c'est que Margaret Walker est une écrivaine de Chicago, qui était très proche de Richard Wright. Vous avez autre chose qui est très intéressante, parce que c'est un roman qui s'appelle Corregidor, de Gail Jones, Et là, c'est un roman qui est paru dans les années 70. Et ce qui se passe, c'est que c'est en fait Toni Morrison, qui était éditrice à Random House, qui a permis la publication du roman de Gail Jones. Et c'est un roman aussi terrible. Gail Jones est une écrivaine qu'il faut absolument lire, hein, puisque là, il s'agit, si vous voulez, de quelque chose d'absolument terrible, puisque le viol, les sévices sont, si vous voulez, le legs de l'esclave, et elle le lègue à ses générations, c'est-à-dire que la narratrice Ursa va dans un, alors bon, en psychanalyse on appellerait ça la compulsion de répétition, si vous voulez, c'est-à-dire que ce lègue des viols et des sévices doit continuer et continuera. Donc on est dans une modalité, je veux dire, qui est quand même assez différente de Beloved, mais lire les deux serait intéressant. Alors, au-delà de la question de la maternité, dans Beloved, il y a la question du corps qui traverse tout le récit, toute la narration. Le corps, certes, le corps qui souffre, le corps aussi qui... le corps érotique, il y a des scènes érotiques, y compris consenties. Il y a le corps aussi presque en communion avec les autres. Les corps qui se touchent, qui veulent explorer la peau, la bouche, les mains, qui sont entre l'érotisme et, disons, une sorte de cérémonie religieuse, hein, de célébration du corps d'autrui, qui a tant subi jusque-là. Voici un extrait du 9e chapitre de la première partie. Écoutez, vous entendrez l'ambiance, hein, un extrait du film qui nous met dans l'ambiance, et puis la manière dont Toni Morrison elle-même met les mots sur ces corps auxquels elle tient tant à rendre justice, au fond, c'est ça l'enjeu. Que tous les enfants viennent. Que vos mères vous entendent rire fort. Que les hommes approchent. Que vos femmes et vos enfants vous voient danser. Ici, là où nous résidons, nous sommes chers. Chers qui pleurent et rient. Chers qui dansent pieds nus sur l'herbe. Aimez tout cela. Aimez-le fort. Là-bas, dans le pays, ils n'aiment pas votre chair. Ils la méprisent. Ils n'aiment pas vos yeux. Ils préféreraient vous les arracher. Pas plus qu'ils n'aiment la peau de votre dos. Là-bas, ils la fouettent. Et, ô mon peuple, ils n'aiment pas vos mains. Ils ne font que s'en servir, les lier, les enchaîner, les couper et les laisser vides. Aimez vos mains, aimez-les, levez-les bien haut et baisez-les. Touchez-en les autres, frottez-les l'une contre l'autre, caressez-vous-en le visage, parce qu'ils n'aiment pas cela non plus. C'est vous qui devez aimer tout cela, vous. Et non, ils n'aiment aucunement votre bouche. Là-bas, dans la contrée, ils veilleront à ce qu'elle soit brisée et rebrisée. Les mots qui en sortent, ils n'y prêteront pas attention. Les cris qui en sortent, ils ne les entendront pas. Ce que vous y mettrez pour nourrir votre corps, ils vous l'arracheront, et à la place, vous laisseront des déchets. Non, ils n'aiment pas votre bouche. Vous, vous devez l'aimer. C'est de chair que je vous parle. D'une chair qui a besoin d'être aimée. De pieds qui ont besoin de se reposer et de danser, de dos qui doivent être soutenus, d'épaules qui ont besoin de bras forts, je vous le dis, et, ô mon peuple, là-bas, entendez-moi. Ils n'aiment pas votre cou dressé bien droit et sans licole. Alors aimez votre cou. Posez la main dessus, honorez-le, caressez-le et tenez-le droit. Et toutes vos parties intérieures qu'ils donneraient volontiers empâtées au cochon, vous devez les aimer. Le foie, sombre et foncé, aimez-le, aimez-le, et le cœur qui bat et bat, aimez-le aussi, davantage que les yeux et les pieds, plus que les poumons qui doivent continuer à respirer l'air libre, plus que votre matrice qui abrite la vie et vos parties privées qui donnent la vie. Écoutez-moi bien, aimez votre cœur, car c'est votre trésor. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Alors cette scène fait écho au sermon de la culture afro-américaine à laquelle Toni Morrison souhaite rendre justice également. On entend l'importance de la voix pour venir réparer les corps, les esprits traumatisés. Il y a aussi, il faut le dire, pour contextualiser, le souvenir de sa belle-mère dont on n'a pas encore parlé. Claudine Rénaud, Baby Sucks, qui avait développé une forme de spiritualité qui, dont le but était de réhabiliter le corps noir réduit à l'état d'objet pendant l'esclavage. Oui, oui, ce passage est absolument essentiel dans la mesure où ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce passage peut servir de modèle, si vous voulez, pour le roman lui-même, c'est-à-dire le sermon. Alors, Morrison a toujours dit que elle pensait que la littérature devait prendre la suite du sermon, de la musique, et intégrer le folklore, par exemple, les rituels. Donc ici, on a ce morceau de bravoure qui est cet appel. Alors Baby Suggs, c'est sa belle-mère, ce n'est pas sa mère, et Baby Suggs appelle. Alors c'est une prédicatrice un petit peu différente de celle des églises établies. Alors il faut savoir que elle correspond à des personnages historiques réels. Bon, moi je vous dis que j'ai traduit le récit de Sojourner Truth. Sojourner Truth était une prédicatrice itinérante, excessivement religieuse. Et il y a aussi une autre prédicatrice qui s'appelle Maria Stuart, qui sont dans le panthéon, on va dire, des féministes noires. On commence par ces femmes-là, Sojourner Truth, Maria Stuart, donc ces prédicatrices. Donc Morrison va prendre ce personnage de Baby Sucks, et là, on va avoir quelque chose par rapport au corps, qui est très intéressant, puisqu'il s'agit de si vous voulez, tout d'abord, de faire appel à toutes les parties. Donc, elle divise ce corps pour mieux le rassembler par la parole. Au point de vue littéraire, le seul équivalent que nous ayons, c'est le blason, mais on voit bien ici que c'est totalement un contre-blason, parce que le blason chante le corps, les parties du corps de l'être aimé. Ici, il s'agit de recouvrer ce corps qui a été nié, vous l'avez dit, l'esclave en fait est un bien meuble, c'est une chose. Donc quand on parle parfois, je vois des mots comme déshumaniser, c'est pas tant déshumaniser que chosifier, c'est un terme qu'emploie Césaire, donc il y a chosification, l'être humain n'est pas, c'est un bien, il est possédé par le maître d'esclaves. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit, je ne crois pas, c'est la façon de juger Margaret Garner, c'était de la juger pour avoir volé, non pas pour avoir tué sa fille. Donc c'est celle qui, là pour le coup, c'est dans la réalité, dans c'est la le réalité, nom de la personne dans la qui a réalité, tué sa fille. Oui, c'est pour vous dire ce qu'était l'esclavage, c'est-à-dire qu'on a, on voulait la juger pour avoir volé un bien qui appartenait au maître et non pour le meurtre de son enfant, dont les abolitionnistes voulaient qu'elle soit jugée pour le meurtre de son enfant, puisque si elle était jugée pour meurtre, à ce moment-là, elle était sujet, si vous voulez, et non objet. Donc ici, il s'agit de prendre ce corps, et ce corps, on rentre aussi à l'intérieur, je ne sais pas si vous avez vu, on va dans le foie, on va dans les entrailles, on va dans ce qui est vital. Alors, ce qui est aussi intéressant, bon, ça c'est le professeur d'anglais, c'est que ce souvenir en anglais se dit remember, et dans remember on entend remembrer, c'est-à-dire recoller tous ces morceaux. Ce qu'on a dans ce roman, c'est de nombreux instants, de nombreux moments, une explosion des fragments, et constamment ce qu'on essaie de faire, c'est recoller, alors recoller recollection, c'est-à-dire ce souvenir, c'est aussi rassembler les fragments qui sont épars, comme la famille d'esclaves qui était dispersée, comme les souvenirs qui sont dans les mémoires des esclaves et qui sont souvent d'ailleurs qui ne sont pas répertoriés. Donc il y a quelque chose que je n'ai pas dit mais qui est essentiel, c'est que ce texte, qui est un roman qui est écrit, parle de transmission orale. et parle de la manière dont on transmet oralement son histoire d'une mère à une fille, d'une grand-mère à une petite fille, et cette histoire orale va pouvoir persister, exister, contrairement à l'histoire officielle qui est, elle, écrite. Donc il y a quelque chose, si vous voulez, qui est fondamental d'ailleurs dans la littérature noire américaine en général, qui est cette insistance sur l'oralité, le son, par rapport à l'écrit, par rapport à la lettre. Et donc là, on a le sermon. Le sermon est quelque chose qui est oral, qui va appeler l'auditoire. L'auditoire doit participer aussi. Il y a un va-et-vient entre celui qui parle et celui qui répond. Ça s'appelle l'appel et le réponse. Il y a c'est dialogique. Et ce sermon de Baby Sachs doit servir de modèle pour la lecture du roman. C'est-à-dire qu'on doit, nous aussi, être appelés par Beethoven et répondre. Et répondre dans le sens profond de responsabilité. Ouais. C'est-à-dire pas simplement répondre, mais se sentir impliqué aussi, je dirais, moralement, bien sûr, par l'histoire qui est racontée ici. Alors comment l'oralité se traduit-elle dans l'écriture? C'est un extrait de la toute fin du livre qui va répondre à cette question. Écoutez comment la phrase elle-même semble hachée par l'émotion. On est sans doute dans ce qu'on appelle en anglais « the stream of consciousness ». Oui, oui. N'est-ce pas? Vous validez? Courant de conscience. Voilà, le courant de conscience, plus de conscience, selon les traductions en français. Et donc, on a cette langue qui dans laquelle on entend plus l'émotion, d'ailleurs, que les mots prononcés, ce qui rend même stylistiquement, sur le papier, une typographie qui est très, très particulière. Alors, voilà, on a tenté de l'interpréter à l'oral pour vous, chers auditeurs à la radio. C'est Denis Podalydès qui va lire ce texte, qui vous donne une idée de ce à quoi ressemble la fin de ce roman. Je suis beloved et elle est à moi. C'est chaud. Tout est maintenant. C'est toujours maintenant. Jamais ne viendra le temps où je ne suis pas recroquevillé à en regarder d'autres qui sont recroquevillés aussi. Je suis toujours recroquevillé. L'homme sur ma figure est mort. Son visage n'est pas le mien. Sa bouche sent bon, mais ses yeux sont verrouillés. Certains qui mangent se salissent. Je ne mange pas. Les hommes sans peau nous apportent leur eau du matin à boire. Nous, nous n'en avons pas. La nuit, je ne vois pas l'homme mort sur ma figure. La lumière du jour entre par les fentes et je vois ses yeux verrouillés. Je ne suis pas grande. Les petits rats n'attendent pas que nous dormions. Quelqu'un se débat, mais il n'y a pas de place. Si nous avions plus à boire, nous pourrions faire des larmes. Nous ne pouvons pas faire de sueur ni lâcher de l'eau le matin, alors les hommes sans peau nous apportent la leur. Une fois, ils nous apportent des pierres douces à sucer. Nous essayons tous de laisser nos corps derrière nous. L'homme sur ma figure l'a fait, c'est Dieu de se faire mourir pour toujours. On dort un peu et on revient. Au début, nous pouvions vomir. Maintenant, nous ne le faisons plus. Maintenant, nous ne le pouvons plus. Les dents de l'homme sont des jolis points blancs. Quelqu'un tremble. Je le sens par là. Il lutte dur pour quitter son corps, qui n'est qu'un petit oiseau tremblant. Il n'y a pas de place pour trembler, alors il n'arrive pas à mourir. On tire mon homme mort à moi de ma figure. Ces jolis points blancs me manquent. Si j'avais les dents de l'homme qui est mort sur ma figure, je mordrais le cercle autour de son cou. Je mordrais et il se détacherait. Alors j'ai parlé de Virginia Woolf, on peut penser aussi au monologue final dans Ulysse de Joyce, de Molly, Claudine Rénaud. On est presque plus près du côté de la poésie que de la prose ici, tellement la langue est désarticulée. Oui, oui. Et justement, alors le problème du courant de conscience, c'est que là, on a des blancs, si je peux dire, c'est un mot terrible en français. Oui, c'est vrai. Oui, oui, on est dans un moment. Alors, elle a elle-même parlé de ce moment comme étant à la fois, c'est-à-dire, il faut le lire à la fois comme la mort, On est de l'autre côté du vivant, on est de l'autre côté de ce voile, hein, puisqu'elle a, Sève a voulu mettre ses enfants à l'abri et les tirer de l'autre côté du voile, c'est-à-dire du côté de la mort. Mais on est aussi au fond de la cale du navire négrier. Et ce qu'elle dit, c'est que le langage de la petite fille, dans la fillette, au fond de la cale, et le langage de la mort sont finalement le même. Hein. Donc, ce qu'on a ici, c'est une réflexion. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, c'est comme si une fillette, un petit enfant, accéder progressivement au langage en plus. Donc elle dit, comment est-ce que je peux dire des choses qui sont des images ? Donc toute la question ici, c'est la question du langage. Peut-on dire l'horreur de ce, en anglais on appelle ça le passage du milieu, nous on dit la traversée, mais je pense que le passage du milieu est très beau comme expression. Peut-on dire l'horreur le passage du milieu, faisant référence à la traversée de l'Atlantique. Oui, voilà, la traversée transatlantique. Donc on est dans les mêmes problématiques que la poésie est-elle possible après la Shoah, c'est-à-dire là, est-ce qu'on peut dire ? Alors ce que dira Morrison, ce qu'elle répète, c'est que on ne peut pas alors elle appelle ça pin down. On ne peut pas parler au bout du compte, si vous voulez. Il y a quelque chose qui est indicible, qu'on ne peut pas dire. Alors en anglais ça fait unspeakable, unspoken. Il y a quelque chose, il y a une limite, si vous voulez, qui est, bon, en psychanalyse ce sera le trou, l'horreur, hein, le réel, quelque chose qu'on ne peut pas dire. Mais là, dans ce passage là on essaie de dire, hein. Donc on essaie de dire, il s'agit donc d'une petite fille qui essaie de dire. Certaines critiques ont parlé aussi de moments du préverbal, c'est-à-dire de l'enfant qui serait au centre, dans le ventre de sa mère, et qui serait dans ce moment où on doit trouver des mots. Alors le référent, puisqu'il y a un référent, hein, ce sont ces corps entassés. Donc elle a un homme, elle dit sur son visage, et là on est dans la chair. On avait parlé de la chair tout à l'heure, hein, avec Baby Sachs. Et là, on est dans la chair, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'il y a une masse indifférenciée de chair. Une des critiques que nous citons souvent en littérature noire américaine s'appelle Horton Spillis. Elle a fait une différence entre la chair et le corps. C'est-à-dire que là, on est chair et on n'est pas corps. Et ce qu'on a, c'est une poétique de l'abjection. Là, vous le voyez, on ne peut pas uriner, on ne peut pas pleurer, on ne peut pas suer, on ne peut pas mourir. Hein, la mort est impossible, il y a un présent éternel. Ce sera le mot de la fin, Claudine Reynaud. On peut pas mourir, mais on peut lire Beloved, et on le recommande chaudement aux auditeurs, n'est-ce pas? Une expérience de lecture incroyable, et je vous remercie infiniment d'être venu en parler ce matin. On mettra en ligne les références bibliographiques de cette émission. Tant qu'un noir a des jambes, il a intérêt à s'en servir, parce que s'il prend racine, quelqu'un trouvera toujours le moyen de l'enchaîner. Now, founder, you just got to break away. For everybody is a slave to something. A paycheck, the matrix, politics, keep you humming. I'm growing my beard and I'm throwing all my ties away. Yes, I am. And my music do the talking. That's the only thing I got to say. Mm-hmm. I got away. And I'm happy as a runaway slave. Yes, I am. My mama. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver la question philo du jour d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes, tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Je demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question ce matin est la suivante. Quelle est la nature du présent ? Alors je ne rentrerai pas dans des considérations augustiniennes un peu oiseuses sur le caractère éphémère du présent, ou plutôt j'essaierai de contourner ce trop facile paradoxe en exhumant la figure bien connue, mais peut-être un peu en déclin, du journaliste spécialisé en nouvelles technologies, du chroniqueur tech. Figure récurrente des plateaux de télévision, récemment débarqué du Consumer Electric Show de Vegas, early adopteur d'un smartphone à écran tactile pliable ou enroulable, le journaliste tech donnait toujours un peu l'impression d'arriver du futur, un futur qui se penchait généreusement vers nous, comme si notre présent devenait, entre ses mains électroniques et bonimenteuses, une ellipse à double foyer aujourd'hui et demain. Ce qu'ils nous montraient, ces journalistes tech, nous ne l'aurions que dans quelques mois, voire dans quelques années pour les technologies les plus audacieuses. Plus troublante était le cas, rarement remarqué, des produits qui ne sortiraient jamais, des technologies qui n'accrochent pas la grande roue du temps, comme par exemple le mini-disque, le CD interactif, ou plus récemment, les lunettes de réalité virtuelle ou les imprimantes 3D. Ce serait un futur dont nous aurions été privés, un temps devenu pure utopie. J'en viens d'ailleurs à me demander si ce n'est pas ça, en dernier lieu, que ces camelots modernes avaient à vendre, moins des objets qu'un peu de temps, un temps intact et divergent, que n'auraient jamais profané les pas d'aucun présent. Dans leurs petits étuis transparents, les mini-disques brillent pour l'éternité. Le futur n'est pas une dimension du temps, n'est pas le lieu où vient mourir le présent. C'est une réserve inexplorée. C'est ce que nous n'aurons jamais de l'ordre d'un présent qui resterait infiniment intact. Et j'ai noté, à force, chez les journalistes tech, un étonnant tropisme qui les conduit presque toujours à un paradoxe. Alors, quel est ce paradoxe, Aurélien ? Ils aiment le progrès technique, mais pas ce qu'il est devenu. Les objets qu'ils présentent, en général, exhibent toujours une fonction thérapeutique, comme une sorte de lentille qui devrait redresser la mauvaise courbure du temps. La chose était frappante, par exemple, quand l'Apple Watch est sorti, quantité de commentateurs ont alors expliqué qu'il s'agissait surtout d'une manière, en attachant leurs incessantes notifications à notre poignet, de nous libérer de l'emprise trop grande des smartphones sur notre quotidien. Ou bien il est fréquent, sur Twitter, d'assister à la concise cérémonie des adieux d'un tweetos historique, l'un de ceux qui nous incite à préciser jadis à venir, mais qui renonce à ce média épuisant, incorrigible et peut-être néfaste, ce média qui a pour tare principale de voler le présent, justement, de ses utilisateurs. Et avant de disparaître, notre influenceur tech nous aura livré le pseudo sous lequel il compte réapparaître sur Mastodon ou sur Discord ou sur n'importe quel réseau qui corrigera les défauts de l'ancien. Et soudain, on comprend, à suivre ses aventures mélancoliques, à la poursuite du rêve toujours déçu d'une technologie miraculeuse, quelle est la nature du présent. Et quelle est-elle alors, cette évanescente nature du présent ? Eh bien, à suivre les espoirs sans cesse déçus et renaissants des journalistes tech, les sectateurs les plus ardents des merveilles du présent, j'en suis venu à me demander si ce n'était pas le regret, sa nature dernière à ce présent. Regret que cela ne soit pas toujours pas la fin des temps, qu'il reste encore des problèmes à résoudre, de nouvelles technologies à inventer. Le caractère insaisissable du présent tient à son caractère un peu à côté de la plaque. Ce devrait être l'endroit où tout s'achève, le temps exact est déplié, et c'est au contraire l'endroit de tous les dérèglements, de la démonstration qui rate, gag habituel et plus significatif qu'il n'y paraît, dont les journalistes spécialisés en nouvelles technologies sont experts. Et c'est presque que pour cela qu'on les faisait venir, comme des sortes de magiciens dont on attendait que les tours cruellement échouent, car le présent, c'est ce qui rate et qu'il faudra améliorer, non pas le cours du temps, mais sa perpétuelle correction. On y travaille chaque jour, cher Aurélien. Merci à vous, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Salle en compagnie de Jules Barbier, Clémentine Marais, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son, aujourd'hui, c'était Audrey Guélil, à la lecture des textes Denis Podalydès. On ne se retrouve pas demain, car demain, chanceux, ce sera la messe en ce jour de l'Ascension qui nous attend. Donc on se retrouve vendredi pour un nouveau cours particulier en compagnie du musicien jazzman Raphaël Imbert. Ça va swinguer. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture, en téléchargeant l'émission via iTunes, Spotify, via l'application Radio France. Tous les moyens sont bons pour écouter l'émission où vous voulez et quand vous voulez. La programmation spéciale autour des mémoires de l'esclavage continue sur France Culture. Donc restez à l'écoute. Nous on se retrouve demain à 10h, mais d'ici là, surtout, ne bougez pas.